Yeah, yeah. Yeah, yeah. Nico Mook, baby. One of the fruits. No, my time is over. What time it is? Y'a beaucoup plus de ouf que d'odeurs de bouffe dans les quartiers de ceux qui souffrent. Y'a comme des odeurs de souffle.